Nous savons, chez BIS, que rien n'est jamais gagné. Mais nous nous battons pour être les meilleurs. BIS, travail temporaire.